Ici l'équipe est taille. Le soir quand tu t'exiles, on est dehors, tu fais du bruit, t'es l'un xylophone. On sait que tu peux naître pour les vols. Et si y'a un chat, c'est pas chez toi que l'on sonne. Mon équipe a la dalle, pas trop dans la malle. Qui prêt de vivre à Dallas? Pour l'instant c'est des kills qui vont emballer. Mon équipe a la dalle, pas trop dans la malle. Qui prêt de vivre à Dallas? Pour l'instant c'est des kills qui vont emballer. Incroyable, incroyable, incroyable. Bah oui, mon dépôt c'est incroyable. J'suis dans les mailles des pharaons. J'suis dans les mailles des pharaons. J'suis dans les mailles des pharaons. J'suis dans les mailles des pharaons. J'suis dans les mailles des pharaons. On les malins mais non pas un rond. Dans Game Naza c'est moi le daron. Ces rappeurs on s'aime comme c'est de leur daron. Gros on est posté dans l'équipe, pas d'imposteur. Fais pas le costaud, on est des soldats. Quand tu poses, tu l'es. Quand tu vas raquer, raquer, raquer, raquer. Arrête de croire que la police vient pas le matin. 6h du matin, j'ai pris des bâtons comme j'étais sur le bitume avec ma raide de bâtard. Mon équipe a la dalle, pas trop dans la malle. Qui prête de vivre à Dallas? Pour l'instant, c'est des kills qui vont emballer. Mon équipe a la dalle, pas trop dans la malle. Qui prête de vivre à Dallas? Pour l'instant, c'est des kills qui vont emballer. Incroyable! Incroyable! Incroyable, bah oui mon dépôt c'est incroyable. J'suis dans les mailles des pharaons. J'suis dans les mailles des pharaons. J'suis dans les mailles des pharaons. J'suis dans les mailles des Soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy.